bien vu l'amoureuse se perdre la tête sur son cheval blanc, tout en galopant là-bas au Japon. Il y avait de jolies montagnes, de jolies éternelles, et si seulement j'avais pu une fois de plus l'aimer encore. Et là-bas dans l'avion, c'était la princesse, la brise sur la gueule et le pied d'un étrier. Sur ma jument, je portais son corps, parti au Japon, parti au Japon. Évadé vers l'éternel, les amoureuses étaient là, étreignant ce joli corps, plongé dans des litères, aux côtés de mon héroïne, bravant les hautes herbes de ces durs temps modernes. Il y faisait un peu trop chaud, il y faisait un peu trop froid, il n'y a plus l'amoureuse, elle s'en est allée sur son grand cheval blanc, l'amour au visage, la gueule en sourire. Alors je veux bien la laisser partir sur son grand cheval blanc, l'amour au visage et la gueule en sourire. Alors je veux bien la laisser partir tout en galopant là-bas vers l'éternel. Et là-bas au Japon.